Merci. Alors, je suis gestionnaire, mais peu me chaud, comme on dit. Et puis, en travaillant au CEPN avec des économistes, je trouve que les tuyaux disciplinaires s'effacent. Et c'est aussi bien comme ça. Et vous verrez quand même que je parle beaucoup d'économie plus que de dispositifs de gestion, même s'il me semble quand même central. Alors, bien sûr, je vais débuter mon intervention... en félicitant les organisateurs de ce colloque. Je trouve que chaque fois qu'il y a des initiatives qui nous permettent de nous retrouver, chercheurs, praticiens parfois, pour parler de ce phénomène en cours, de plateformisation et les mouvements de résistance qu'elle peut entraîner, je trouve ça extrêmement précieux. Et puis je remercie particulièrement Ludovic pour son invitation à partager avec vous la manière dont mes travaux m'amènent à considérer les actions de résistance et les initiatives émancipatrices qui se déploient au sein de l'économie capitaliste de plateforme. Alors, en guise d'introduction, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage qui vient juste de paraître aux presses du MIT, coécrit par Tiziano Bonini de l'Université de Sienne et Emiliano Trerré de l'Université de Cardiff. Et l'ouvrage s'intitule « Algorithm of Resistance, the Everyday Fight Against Platform Power ». Alors, le livre s'ouvre en relatant l'histoire de Stefano. Je cite, Stefano a 43 ans, il travaille comme photographe et vidéaste et vit à Livourne, une ville portuaire de Toscane. Lors de l'épidémie de Covid-19, il perd de nombreuses opportunités d'emploi et décide de télécharger l'application Deliveroo sur son smartphone pour commencer à faire des livraisons à domicile. Il répare un vieux vélo qu'il a dans son garage et commence à rouler. Les premiers jours ont été très bons, se souvient Stefano. En une semaine, il avait déjà gagné près de 300 euros et ce travail lui procurait un étrange sentiment de liberté, gagner de l'argent facilement, sans parler à personne, sans avoir à se soumettre à un patron ennuyeux. Stefano est un indépendant, il a l'habitude de travailler seul. Il a donc vraiment apprécié la liberté que Deliveroo semblait lui offrir. Un mois plus tard, Stefano n'est plus aussi heureux d'utiliser Deliveroo. Au contraire, il est un peu inquiet car il se retrouve parfois bloqué sur l'application et ne peut pas vérifier s'il y a des courses libres qui peuvent lui être attribuées. Il se sent étrangement dépendant de l'application et il n'aime pas cela. L'expérience de ce travail ressemble à une addiction, parce que c'est agréable au début, puis c'est vraiment mauvais. Entre-temps, le nombre de tournées disponibles a diminué et Stefano ne gagne plus autant d'argent qu'avant. Un samedi soir, il a oublié d'annuler sa réservation pour une tournée qui lui avait été attribuée parce qu'il devait assister à l'inauguration de son nouveau studio photo. À partir de ce moment, il s'est rendu compte que l'application ne lui attribuait des tournées que dans les créneaux horaires où il y avait peu de livraisons à effectuer. L'algorithme a abaissé ses statistiques, il n'est plus considéré comme fiable à 100%, mais seulement à 98%. Il rejoint alors un groupe WhatsApp créé par d'autres livreurs de Livourne. Grâce aux conversations du groupe, il apprend plusieurs choses sur le fonctionnement de l'algorithme de l'application. Les livreurs disent aujourd'hui qu'ils sont assez expérimentés, ils ont une bonne idée de son fonctionnement et ils développent des astuces « to ship the app » pour tromper l'application. Alors, cette histoire et au-delà la diversité des cas étudiés dans l'ouvrage cité montrent que les algorithmes, tout en produisant de l'oppression, peuvent également être appropriés par les utilisateurs pour résister au pouvoir des entreprises technologiques. Et les auteurs du livre de préciser, il ne s'agit pas d'une fantaisie cyberpunk, mais plutôt d'une prise de conscience fondée sur les pratiques que nous avons observées au cours de nos années de recherche. Ces pratiques témoignent que la technologie numérique peut être vecteur de résistance, voire d'émancipation. Alors, ces expériences émancipatrices donnent parfois lieu à l'apparition d'entités productives nouvelles, et c'est à cela que nous nous sommes intéressés. Au sein de ces entités, dont je vous proposerai une caractérisation, la dynamique de plateformisation et la technologie sont questionnées, utilisées, parfois co-construites, de manière réflexive et délibérative afin de proposer des services professionnels qui s'inscrivent dans des enjeux de justice sociale et ou environnementale nous y reviendrons. Alors oui, les plateformes en ligne, qu'elles soient américaines, chinoises, russes ou dans une moindre mesure européenne, ont acquis un pouvoir absolument énorme. Alors oui, les expériences émancipatrices que l'on observe sont prises dans une relation de pouvoir incroyablement asymétrique. Elles ne sont pas dotées de la même puissance de calcul que les plateformes dominantes. Elles sont dépendantes des infrastructures de connectivité, de stockage aux mains de ces gros acteurs depuis la privatisation dans les années 90, de l'infrastructure matérielle d'Internet. Elles sont aussi en grande partie dépendantes des logiciels et des services informatiques de ces winners qui ont tout pris. Donc non, ces initiatives ne sont pas en train de changer le monde, mais oui, elles montrent qu'il est possible de le faire. Alors cet état de fait est bien représenté, me semble-t-il, par l'illustration de la dernière campagne de Framasoft, association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, hein, qui héberge et développe des logiciels fédérés, Peertube notamment, et déploie de nombreux services en ligne respectueux des données de leurs utilisateurs. La dernière campagne de Framasoft s'intitule « Convivialisons, collectivisons Internet », d'où cette mascotte, un canard qui affronte ici le monstre Datavor Google. Saute ici aux yeux la symétrie du rapport de pouvoir. Coincé dans ce rapport, coin-coin ne peut pas grand-chose. Et en même temps, il fait beaucoup. Il fait même des choses rarement vues, y compris dans les start-up, dès lors que l'on rapproche les résultats des ressources dont l'association dispose pour les obtenir. C'est ce dont témoignent les chiffres du rapport d'activité de Framasoft, à la fois sur la dimension infrastructurelle, je passe vite, mais c'est pour vous donner une idée, et également sur la prestation de services libres, et qui amène donc le co-directeur de Framasoft de constater, nous avons démontré qu'il était possible pour une association comptant moins de membres qu'un club de pétanque local et pour un coût inférieur au coût moyen de 80 mètres d'autoroute, de produire, mettre à disposition, maintenir, améliorer des dizaines de services alternatifs à ceux des plus grosses capitalisations boursières. Alors, nous le percevons ici, parler d'alternative au capitalisme de plateforme implique un positionnement épistémologique particulier qui me semble important de rappeler, d'expliciter ici. Il renvoie à ce que le sociologue brésilien Buenaventura de Souza Santos qualifie d'herméneutique des émergences. Louis Staritsky, plus récemment, évoque quant à lui une sociologie des tentatives. Cela consiste à pratiquer une critique qui soit sensible aux émergences afin de procéder à une invalidation systématique des expériences de terrain. Nous sommes assez loin de la théorie critique dominante dans les pays du Nord, laquelle, rappelle le sociologue Jean-Louis Laville, a oublié l'émancipation au profit d'une critique de la domination. Elle fournit ainsi une critique radicale d'une situation radicalement immuable, car pour elle, les expériences émancipatrices ne sont jamais assez radicales. Or ici, il ne s'agit pas tant de demander à la moindre expérience de renverser le système, que d'analyser la capacité des expérimentations en cours à préfigurer l'évolution des pratiques et des régulations. C'est dans cette perspective que nous avons étudié les expérimentations de plateformes alternatives dans le cadre d'un projet collectif financé par la DARES et que nous sommes en train d'étendre, dont nous sommes en train d'étendre l'analyse à l'échelle internationale dans le cadre d'une action COST PIWI pour Plateforme Inclusion Living Lab financée par l'Agence européenne. Alors, en complément des précisions apportées sur notre positionnement, il convient de préciser ce qu'implique le positionnement alternatif que nous attribuions aux initiatives étudiées. L'ambition de ces dernières n'est pas de se substituer aux plateformes capitalistes dominantes. Dans les secteurs concernés, elles se présentent moins comme des concurrentes que comme des espaces complémentaires qui proposent une autre expérience des activités en ligne et porteuses d'une utilité sociale et environnementale. L'enjeu est de participer à une véritable diversité institutionnelle qui soit un vrai facteur de respiration et non pas un résidu marginal. Les nouvelles entités productives auxquelles ces expérimentations donnent lieu sont souvent placées sous la marque ombrelle que constitue aujourd'hui le coopérativisme de plateforme. Ce mouvement, vous le savez, a été lancé dans les années 2010 depuis la New School par Trevor Scholz et Nathan Schneider avec pour projet d'hacker les plateformes capitalisme au travers d'alternatives porteuses d'une autre forme de propriété et de gouvernance. À l'occasion du dernier ouvrage publié par Trevor Scholz, Houses, des chercheurs et militants engagés dans des alternatives au Brésil font état des risques attachés à cette approche. Le premier réside dans la volonté d'invoquer une perspective globale du coopérativisme de plateforme sans connaître ni prendre en compte de manière fine les contextes locaux. Selon les auteurs, une perspective véritablement globale du coopérativisme de plateforme ne doit pas reposer sur l'importation magique de concepts ou de pratiques, mais sur l'importance des territoires. C'est ce dont témoignent les travaux de la chercheuse Denise Kasparian concernant l'arrivée de COPCycle, une fédération européenne de coopératives de livreurs dont je crois qu'il a été largement question, en Argentine et les défis locaux qu'elle a posés. Une deuxième limite concerne l'engagement fort de ce courant dans la technologie. Ainsi, pour Scholz, je cite, « Le mouvement coopératif doit s'adapter aux technologies du XXIe siècle. Il invite à cloner la technologie des entreprises plateformes capitalistes existantes. Mais que signifie construire des plateformes qui imitent les pratiques des plateformes dominantes tout en appartenant à des travailleurs ou à des communautés ? Quelles sont les limites d'une telle approche ? De quelles technologies les travailleurs ont-ils besoin pour gouverner leur lieu de travail ? Ce que nous montrent les études, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réponse unique à ces questions. Elles sont travaillées, réappropriées par les communautés locales sur leur territoire. En outre, les réponses apportées ne signifient pas toujours plus de plateformes ou plus de plateformisation. Il est des initiatives qui, bien qu'en accord avec les principes du coopérativisme de plateforme, ne sont pas convaincues que la clé réside particulièrement dans les plateformes ou dans le coopérativisme. Ainsi, s'appuyant sur des recherches menées auprès de coopératives plateformes en construction, le chercheur latino-américain Rafael Gromat montre qu'au Brésil, le coopérativisme de plateforme ne se présente ni comme une coopérative, ni comme une plateforme, mais comme des prototypes de technologies appartenant aux travailleurs, ancrés dans des communautés locales et dans leurs valeurs. Les termes utilisés sont aussi divers, économie numérique solidaire, technologies appartenant aux travailleurs, plateformisation solidaire, coopérativisme de plateforme solidaire, etc. Cela signifie bien que le mouvement du coopérativisme de plateforme est large et diversifié. Au-delà de la variété observée, les cas étudiés dans le contexte français permettent de faire émerger un modèle de plateforme alternative dont s'expérimentent sur le terrain différentes variantes et sur lequel je souhaiterais ouvrir la discussion avec vous après vous en avoir proposé une caractérisation. Cette dernière reposera sur l'analyse de la valeur produite par la plateforme et le rôle joué par cette dernière. Ça sera ma dernière diapo, donc. Mes dernières phrases. C'est bon ? Alors, dans le contexte français, les cas étudiés résultent de la rencontre de militants impliqués dans des mouvements citoyens et de professionnels cherchant à exercer différemment leur activité. Alors, plusieurs illustrations peuvent en être fournies. Celle de la rencontre de militants écologistes, usagers et organisateurs de covoiturage libre et de professionnels expert en solutions de mobilité partagée pour les collectivités territoriales, qui se réunissent au sein d'une coopérative pour organiser un service de mobilité partagée et solidaire sur les territoires. Évoquons également la rencontre d'habitants au sein de territoires porteurs d'une histoire sociale forte, tels que les quartiers nord de Marseille, et de professionnels en marge de l'industrie touristique, auberges de jeunesse, parcs naturels, qui se réunissent en communauté locale d'hospitalité pour proposer un service d'hébergement et d'accompagnement à la découverte du territoire. Citons encore la rencontre de livreurs en vélo en lutte contre l'exploitation qu'ils subissent par les grandes plateformes de la food tech et de militants du mouvement Nuit Debout qui se regroupent pour créer un service de logistique urbaine du dernier kilomètre décarboné. Dans les secteurs étudiés, donc, ces initiatives émergent en réaction à un approfondissement de la marchandisation du travail et à son extension à de nouveaux domaines, les données, les pratiques collaboratives. Nourrie d'un terreau militant, l'activité économique proposée par ces initiatives n'est pas dissociée de la dimension politique qui en a provoqué l'émergence. Ainsi, comme l'a analysé Benjamin Coria dans le cadre du projet Tapas, ces initiatives se différencient sur leur secteur d'activité par une offre de valeur propre et distinctive, caractérisée par une forte composante sociale ou environnementale. Je vous en donne ici quelques illustrations. La plateforme Mobicorp conçoit un service de mobilité partagée pensé en articulation avec les infrastructures et les services publics de transport à des fins de transition écologique pour abaisser l'empreinte écologique des déplacements et pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Les oiseaux de passage proposent une offre d'hospitalité qui renouvelle la proposition de découverte patrimoniale par la participation des accueillants à la construction d'un récit et destinée à élargir les personnes hébergées au-delà de la catégorie du touriste pour inclure les travailleurs saisonniers, les stagiaires, les artistes en résidence, les migrants, les aidants de personnes hospitalisées, les personnes mises à l'abri. COPCYCLE conçoit un service de logistique urbaine du dernier kilomètre décarboné pour lutter contre la précarité des livreurs et en faveur de la transition écologique. COPCIRCUIT opère une place de marché dédiée aux producteurs indépendants afin de favoriser le développement des circuits courts alimentaires pour des raisons écologiques, de justice sociale ou de santé. Des cas étudiés, il ressort le rôle joué par la plateforme qui revêt une dimension contributive qui lui est essentielle. Dans certains cas, la plateforme s'apparente à un espace d'intermédiation. Celui-ci peut être C2C. C'est le cas de la plateforme Mobicorp qui met en relation des conducteurs et des passagers qui vont partager un trajet. La plateforme permet aux individus d'accéder gratuitement et librement aux coordonnées d'un potentiel passager conducteur. La plateforme ne prélève aucune commission. Le choix du logiciel libre pour développer la plateforme permet d'essaimer cette forme d'intermédiation libre et gratuite qui fait vivre le covoiturage comme un commun. Dans d'autres cas, l'espace d'intermédiation auquel s'apparente la plateforme est B2C. C'est le cas de COPCIRCUIT qui permet la création de boutiques en ligne pour les producteurs locaux et les réseaux de type AMA, facilitant la rencontre des clients finaux et la gestion informatisée des stocks. L'offre de services numériques proposée par la plateforme est caractérisée par une forte accessibilité en termes de prix d'usage, avec une faible standardisation des outils logiciels, modulables selon les structures utilisatrices pour favoriser l'adoption massive et rapide de circuits courts. Dans le cas des oiseaux de passage déjà cités, la plateforme contribue au design d'une offre d'hospitalité et de découverte du patrimoine local original, centrée sur la participation des accueillants à la construction d'un récit. Ainsi, les communautés locales, offreurs d'hospitalité, de circuits de découverte, sont assistées et conseillées par les gestionnaires de la plateforme pour construire la nature du service en conformité avec les valeurs affichées par la plateforme. Dans certains cas, l'offre d'intermédiation peut aller jusqu'à inclure des dimensions explicitement prescriptives et impliquer l'acceptation de règles sociales fortes. C'est le cas de CopCycle, qui développe un logiciel métier pour la livraison à vélo, aussi outil de dispatch et d'organisation des tournées, associé à un module de e-commerce. Le logiciel d'intermédiation est mis gratuitement à disposition des communautés de livreurs, usagères, seulement sous réserve du respect par ces dernières de normes sociales attachées au salariat et à un emploi de qualité. L'analyse de la valeur produite par la plateforme ainsi que du rôle contributif joué par cette dernière montre que les cas étudiés constituent des entités productives originales. Il ne s'agit pas de simples copier-coller éthiques des plateformes capitalistes dominantes. Pour le dire autrement, les initiatives étudiées ne cherchent pas à faire autrement, mais à faire autre chose. Ce faisant, elles préfigurent un changement de paradigme économique en ce qu'elles tentent de mettre en œuvre ce que Karl Polanyi appelle une économie substantive. C'est à partir de la dénonciation de ce qu'il nomme le sophisme économiciste, c'est-à-dire la réduction de l'économie aux seuls échanges de marché, que Polanyi défend une définition substantive de l'économie. La perspective substantive de l'économie insiste sur les liens entre les individus et avec les milieux naturels où ils puisent leur subsistance. Elle intègre ces interdépendances comme constitutives de l'activité économique. La mise en place d'une économie substantive suppose alors un encastrement social des logiques de marché et la prise en compte des équilibres du vivant et de la nature. Polanyi montre à la fois conceptuellement et historiquement que le marché n'est pas la forme de production et de circulation exclusive des biens et des services économiques. S'il ne nie pas l'existence de marché avant le 19e siècle, il estime que globalement, tous les systèmes économiques connus jusqu'à la fin de la féodalité en Europe occidentale étaient organisés selon trois grands principes. La réciprocité, basée sur le don contre don entre groupes symétriques. La redistribution, où les dons sont centralisés par une autorité avant d'être redistribués. L'administration domestique, c'est-à-dire la production pour l'usage. L'émergence d'un marché dominant et autorégulateur au XIXe siècle provient de la transformation du travail, de la terre et de la monnaie en marchandises fictives. Polanyi met au jour le travail idéologique qui concourt à créer et à entretenir une fiction de la marchandise, fiction puissante dont le marché a besoin afin d'asseoir son hégémonie et d'assurer son extension sans fin. Dans une économie capitaliste, la forme classique de valorisation de la valeur produite passe par le marché. Les valeurs d'usage produites affrontent le marché qui les valide, permettant ainsi le retour vers le producteur sous forme d'argent, qui permet d'assurer la poursuite du cycle de production. C'est la formule reprise de Marx, AMA', pour argent, marchandise, argent, où de l'argent est avancé pour l'acquisition de marchandises, elle-même utilisée dans un cycle de production en vue de faire davantage d'argent. La valeur produite par les alternatives étudiées comprend, nous l'avons vu, une utilité sociale et environnementale. Elle n'est donc pas conçue pour être entièrement validée par le marché. Pour ces entités, la mise en œuvre de l'activité économique renvoie alors davantage à la réciprocité. La réciprocité relève d'un triple mouvement, donner, recevoir, rendre. Une telle dynamique peut ressembler au marché, mais entre chacune de ces étapes, l'individu est libre, libre de donner, libre de recevoir, libre de rendre. Cette liberté n'exclut pas de se sentir obligé, mais elle marque une différence avec l'échange marchand en ce qu'il organise par le contrat le va-et-vient des choses. La réciprocité exige une réponse adéquate et non une égalité mathématique. Ainsi, les modèles économiques susceptibles d'assurer le développement et la pérennisation des expériences observées ne peuvent pas se réduire, s'enfermer dans la question de la réussite sur un marché. Il faut au contraire analyser le rôle que peut jouer dans ces modèles la réciprocité. On a alors affaire à des modèles économiques originaux, mixtes et hybrides, au sens où coexistent plusieurs principes, le marché, la réciprocité et la redistribution. De fait, les sources de revenus sont souvent multiples, dons et subventions, formules d'abonnement, de cotisation, le cas échéant de rémunération à la transaction. Les ressources peuvent être monétaires ou non monétaires. Par ailleurs, ces modèles hybrides par nature sont en général constitués d'entités institutionnelles multiples et enchâssées qui entretiennent entre elles des rapports d'échange. C'est cet enchâssement qui permet d'établir des sphères d'activité distinctes et interdépendantes. Une sphère où la production et la répartition de valeurs n'est pas régie par la logique marchande, dans laquelle est produit et entretenu un commun, selon des logiques réciprocitaires, et une sphère marchande qui permet de maintenir le commun produit hors marché dans la première sphère. Prenons l'exemple de Open Food France et CopCircuit. Hein. On a donc Open Food Network qui est financé par des subventions et qui produit un logiciel sous forme de commun numérique adressé gratuitement à des coopératives nationales. En France, CopCircuit, hein, récemment transformé en coopérative, hein, et qui va réaliser des activités sur un marché et qui va participer à entretenir le commun développé dans la sphère non marchande. On a aussi l'enchâssement des entités de CopCircuit, hein, où on a initialement l'association CopCircuit, aujourd'hui transformée ou pas encore en coopérative, je n'ai pas suivi les derniers éléments, donc qui développe un logiciel métier, là aussi sous forme de commun numérique, et qui en offre l'usage marchand à des coopératives de livreurs. Donc on a bien des entités qui sont... Donc ces modèles économiques se pensent vraiment dans le cadre des relations entre toutes ces entités. Pour revenir à Framasoft, avec qui j'avais commencé cette intervention, là aussi on a Framasoft qui édite des logiciels libres, prototypes de logiciels libres, et qui constituent un réseau, les chatons, hein, un réseau de collectifs, un collectif d'hébergeurs indépendants qui utilisent à la fois les logiciels développés et hébergés librement par Framasoft et pour en faire un usage qui, pour certains d'entre eux, peuvent être marchands. Alors, ce faisant, on a quand même, et c'est de ça aussi dont j'aimerais discuter avec vous, et c'est ça qu'on essaie de creuser, enfin, qu'il faut qu'on essaie un petit peu de creuser par la suite. Ce faisant, dans ces initiatives, on observe une forme assez originale de réencastrement qui se situe à un niveau méso, qui n'est pas le réencastrement à la granovétère, c'est-à-dire par le biais de relations sociales, hein, telles que, pour revenir à l'exemple dont je vous lis, avec lequel je commençais tout à l'heure, où on a sur un groupe WhatsApp des livreurs qui vont créer des relations d'entraide, etc. Donc Ça n'est pas ce niveau-là de réencastrement au sein de relations sociales, donc, ni le réencastrement par les macro-institutions et par la régulation, mais c'est ce niveau méso par ces entités productives qui s'organisent autour de la production et de l'entretien d'un commun qui nous semble être des niveaux et à la fois des entités assez originales de réencastrement. Alors, pour terminer, et en guise de discussion, et puis comme on parle quand même de plateforme, enfin parle-t-on finalement de plateforme dans le cadre de ces alternatives, hein, c'est une question, la clé est quand même aussi de revenir dans la technologie. Il y a deux grandes questions, à mon sens, qu'il importe de développer. À la fois, comment la réciprocité au sein de ces alternatives se traduit dans la dimension tech de la plateforme, et également comment elle peut se traduire dans le cadre de relations de travail qui vont au-delà de l'emploi. Alors, concernant la dimension technologique, ce qu'on voit, c'est que une voie que semblent expérimenter ces alternatives, c'est l'inscription du principe de réciprocité dans la licence utilisée du logiciel avec l'usage de licence à réciprocité. Alors, contrairement aux licences libres, copyleft ou non copyleft, les licences à réciprocité ou les licences à réciprocité renforcées visent à interdire ou à faire payer la réutilisation des logiciels par des acteurs commerciaux ou bien à restreindre à des acteurs à lucrativité limitée ou à des entités respectant certains principes énoncés dans la licence. Donc, dans cette perspective, il y a une nouvelle licence qui a récemment vu le jour, la Hippocratic License, dont l'usage est conditionné au respect des droits de l'homme. L'arrivée de cette licence, hein, et le projet similaire dans le monde du libre, a d'ailleurs ravivé des tensions qui traversent historiquement le mouvement entre la mouvance free software versus la mouvance open source, et tout en créant quand même une sorte de nouveau clivage entre finalement les tenants d'une vision formelle, fonctionnelle, individuelle des libertés numériques, justifiant l'interdiction ferme et définitive de toute restriction d'usage des licences, à ceux qui promeuvent une conception collective et délibérative des droits attachés aux ressources informatiques. On voit aussi dans ces alternatives, globalement, le refus d'utiliser des algorithmes. C'est le cas, par exemple, d'Oiseaux de Passage, qui refuse la tarification automatique et les prescriptions algorithmiques par bulle pour restituer la relation entre accueillant et accueilli directement. De la même manière, ça permet un prix qui reste aux mains des personnes accueillies. Donc, il y a là à creuser, à notre avis, dans la manière dont la technologie est utilisée via les licences, via le recours ou non aux algorithmes, via aussi la nature des données qui sont utilisées. Je pense par exemple à la plateforme Les Oiseaux de Passage, qui finalement aujourd'hui fonctionne avec très très peu de données structurées pour pouvoir mettre sur la plateforme plutôt la voix des habitants, pour pouvoir mettre le bruit d'un paysage, pour pouvoir mettre, donc, qui fonctionne énormément avec données non structurées et donc non calculées. Donc, il y a là à creuser dans la dimension technologique. L'autre perspective qui me semble fondamentale aussi, c'est le rôle joué par le travail bénévole et non pas le travail gratuit, à distinguer du travail gratuit dans la dynamique réciprocitaire sur ces plateformes. On est en train d'étudier le couplage qu'il peut y avoir entre des modèles économiques pluriels, c'est-à-dire qui ne sont pas que marchands, donc des modèles économiques qui se situent au-delà du marché, et des modèles d'emploi, des modèles de travail, pardon, qui se situent au-delà de l'emploi, et non pas en deçà. Donc comment, finalement, penser des modèles de travail qui vont au-delà de l'emploi, tout en assurant la protection sociale attachée aujourd'hui au statut salarié. Donc là, il y a des pistes ouvertes dans les années 90 par Alain Supiau, le juriste Alain Supiau, avec son rapport « Le travail au-delà de l'emploi ». Récemment, j'étais dans un colloque sur de juristes sur le travail de plateforme qui remettait en travail la notion de citoyenneté sociale aussi. Donc il y a là probablement des innovations institutionnelles à trouver pour permettre à ces initiatives de terrain de se déployer tout en affirmant les spécificités qui sont les leurs. En l'absence de ces innovations institutionnelles, il y a quand même un risque fort, que ces alternatives soient récupérées par les acteurs marchands, ce qui est historiquement souvent le cas, la propension du capitalisme à récupérer les initiatives qui se développent à ses franges, ou bien qu'elles rentrent dans le rang. Et là aussi, on voit l'isomorphisme, les logiques isomorphiques qui ont en grande partie vidé le mouvement coopératif des dimensions politiques qui étaient les siennes initialement. Donc, pour conclure en citant, en faisant à nouveau référence au juriste à Alain Supiau, il montre bien dans son approche historique du droit qu'à chaque révolution technique, il a fallu des innovations institutionnelles. Donc là, il semble également que ce soit le cas pour permettre à ces initiatives de déployer toute la nouveauté dont elles sont porteuses. Donc je vais remettre pour terminer point. Voilà. Merci.